Alors là, nous sommes sur la crème du b-boy Peace, Unity and Love, un DJ selector et producteur hors pair, activiste des premières heures dans notre chère banlieue. Il va donner un appui très important au projet avec une multitude d'entrevues qui va piloter de main de maître. Donc sur ce coup-là, c'est moi qui te fais parler, Mehdi, et merci encore pour tout, tout, tout. Alors, notre ami Mehdi, on est le 21 février, on s'était dit ? 21 février. Voilà. On est chez lui et on va se faire, après notre séance de scan intense, on va se faire quelques questions sur sa vision de l'Ouest et puis toute l'incidence des groupes qu'on a découlé de l'histoire de l'Ouest. Alors, Mehdi, je voudrais te poser une question. C'était les premières heures de l'Ouest, on peut être dans cette région. KDC, GMG et les autres, BCK et tout. Raconte-nous un petit peu, justement, la genèse pour toi au plus loin de ta mémoire. Alors, au plus loin de ma mémoire, moi, je suis né à Mantes-la-Jolie, donc à l'autre bout des Yvelines. Voilà, jusqu'à l'âge de 4 ans. Et ensuite, je suis parti. Donc, on avait une habitude avec mes parents du fait qu'on avait habité là-bas. D'aller faire des courses, tout ça, on avait nos repères là-bas. Et donc, de l'enfant jusqu'au début de l'adolescence, je traînais régulièrement sur Mantes-la-Jolie. Et là, ça m'a permis de voir, en fait, des premiers tags et graphes des STK. Les fameux STK. STK. On est en quelle année, là, tu penses ? Je pense qu'on est en 83. Ouais, c'est ça. Je pense 82, 83, 83 peut-être, 83. Voilà, et dont... Elliot. Je me souviens du tag Elliot. Et ils avaient un graphe qui était juste à côté de Mantes Station, là, qui est resté des années. Et voilà. Et ça, c'était quelque chose pour moi du fait que je commençais à connaître le hip-hop, tout ça, et qu'on n'avait aucune communication avec qui que ce soit, hormis nos proches directs. Ça me faisait, je sais pas, il y avait un fantasme. Sur ce truc-là. En me disant, mais c'est pas possible, les mecs, vu ce qu'ils font, c'est organisé déjà. C'est organisé, on imagine, c'était des trucs, des pièces qui étaient faites, ça. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, donc, moi, j'étais ensuite à côté de Plaisir. Sur Plaisir, donc, on allait au centre commercial Auchan, et là, il y avait les Breakers. Il y avait les Breakers. Et bon, je me souviens, quand j'avais peu parents, je voyais ça. Ah, je laissais ma mère aller faire ses courses au champ et je restais à regarder les breakers. Enfin, les breakers, en fait, c'était des mecs du Valimou, des jeunes qui étaient là, mais ça dansait quoi. Ça dansait. Voilà. Il y a aussi le fait de, dans hip-hop, là, l'émission hip-hop, de voir qu'il y a eu un gars, donc Pascal Decrène, dont on parlait tout à l'heure, qui était des clés. Et voilà, et là, t'es sur TF1, tu vois. Le défi, tu vois, et puis ouais. Pascal Decrène, les clés 78. Et là, tu dis, c'est chez nous, c'est chez nous, quoi. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est les premiers ressentis par rapport au hip-hop. Après, bon, bah évidemment, moi, je commence à me faire ma culture musicale. Ouais. Donc Radio 7, donc avec Sydney, c'est qui faisait des émissions tous les soirs. Hein. Rapper The Pearl Snapper, ça s'appelait le truc. Et voilà. Et c'est un copain, donc Soukje, enfin Gérald, qui est un ami d'enfance et qui est encore mon meilleur ami, et donc qui est le deuxième DJ de la rumeur. Donc on a toujours fait ensemble tout, quoi. Qui me dit j'ai entendu un truc super là, sur Radio 7, oh, voilà, il y a un mec qui passe. Du rap. Tu sais, les mecs qui chantent en parlant. Tu me souviens de ça, tu sais, qui chante en parlant. Et c'est vrai que le premier truc qu'on avait eu, c'était en 79 avec Sugar and Gang. Bon, là, j'étais quand même petit, enfin, j'avais 10 ans. Moi, je suis 69. Mais voilà, mais c'était quand même disco, tu vois, c'était disco. Puis il y avait un mec qui rappait, machin, etc. Bon. Après, il y a le souvenir à la télé, là, sur TF1, quand il y avait eu Alain Manval, là, qui avait fait l'European Tour là, avec Bata, Bombata et. Bon, bah, et puis toute la clique celluloïde, là, Fast 2, Futura, machin, New Danger, Turbatures, voilà. Puis les Rocksteady Group. Ça, je l'avais vu. Puis, alors, je voyais ça à la télé, donc de voir des mecs qui faisaient des qui me répètent simplement dans ce partenaire. C'est génial et puis c'est bizarre. Tu ne penses pas comme ça. Et puis bon voilà. Et puis alors, le fait de voir un petit peu tout ça, là, ça a commencé à titiller l'esprit. Et donc en 83, il y a donc Radio 7. Radio 7, moi j'allume le soir. Et le premier truc que j'entends, c'est Jam On It. J'ai Woody, mais c'est pas Woody, c'est. Woody? Non, Jam On It. C'est. Bien sûr. C'est pas KRS-One? Non. Le morceau. De Jam On It, là. Nucleus. Oui, Nucleus. Grosse basse, machin, etc. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, le contexte, hein, donc là, on est en 83. Et encore, juste le début des radios FM. Mais t'es dans la variété, quoi. C'était variété. C'est Sardou, Johnny, machin, etc. Et le top 50 n'a même pas commencé, parce que ça va commencer en 84, c'est pas encore Canal. Et donc, voilà, donc t'es dans la variété. Et là, on pense, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et là, direct, quoi. Moi, je me suis arrêté tout l'heure, je crois que je l'ai à cassette, que j'en enregistrais. Nucleus, après tu as The Wild Style, le morceau The Wild Style d'Arthur Baker, machin. Voilà, après B-Side, Chance the Beat, Fafa Freddy, enfin tous les trucs solidoïdes, quoi. Ça. Et là, parle encore les 20. Ah ouais, non mais franchement, là, la queue là. Et là, bon, là, c'est musique, unique. Et donc après, il y aura hip-hop en janvier de 84. Et voilà, donc on se met au hip-hop. On a braqué. T'es lancé, ouais. Ouais, tu t'es lancé avec les copains, tout ça, machin, etc. Les manglants, cascades, machin, etc. Donc ça marche. Et puis, on commence à graffer un petit peu. On commence à faire du beatbox, enfin tout, quoi. Tout le hip-hop. Et puis, voilà, 84. Fin 84, ça s'arrête, là, des émissions. Pouf, et puis là, t'as plus rien, quoi. Ouais. T'as plus rien, si. T'as juste des pubs merniques à la télé avec des reprises pendant 6-7 mois, tant qu'on peut faire du fric. Puis après, plus rien, quoi. Il y a la partie du vélo, toi aussi, j'ai regardé, ouais. On a scanné les photos. Ouais. Le vélo, il y en a très peu, pour ça je reviens sur le vélo, parce qu'il y en a très peu avec qui je peux communiquer sur le vélo. Mm-hmm. T'en fais aussi, BMX, Non, j'en fais. T'en fais hein, aussi, j'en fais. C'est quoi le lien de BMX et la musique? Est-ce que toi, il y a un lien ou ça a été séparé? Non, c'est séparé, mais c'est juste... Alors, moi, j'associe ça à l'arrivée des États-Unis de ces modes. Enfin, c'est une mode des océans, de ces courants. Ouais, pas des modes, mais de ces courants. Parce que moi, je me souviens, donc toujours avec mon pote, voilà, ce qu'on faisait, on faisait un petit peu de motocross, ça, et donc du bicross. Et il y avait un numéro de magazine qui s'appelait Motobert. Ouais. Et Motobert, à un moment donné, mon pote, il me dit, ouais, regarde, là, il y a un truc spécial. Ils avaient fait le Motobert spécial bicross. C'était un hors-série spécial bicross avec tous les dessins de OTB. Il y a un Renault là. Il y a toutes les figures, là, les trucs. J'ai ensuite dans Microsoft, il fera tous les Weekend Papa, machin, compagnie, enfin tous les dessins. Hein. Ils ont fait un numéro spécial. Et puis après, ils ont commencé Microsoft Mag. Donc moi, j'y arrive, je m'abonne, etc., etc. Donc nous, on était loin de tout ça parce que on parlait de Bali. Voilà, alors c'est pas loin, mais bon, on pouvait pas y aller. C'est tout, c'est juste que... Voilà, et puis les parents, ils n'avaient pas t'emmener. Attendez, j'ai des films, ils m'ont chier des noix. Etc. Donc, toujours le kiff de ce truc-là. Et en parallèle, donc à partir de 84, il commence à y avoir, au niveau de la loi française, il y a eu un truc, on commençait à avoir plus de clips qui passaient à la télé. Mm-hmm. Et ça commençait le vendredi soir sur France 3, il y avait, enfin FR3 un peu, ils avaient le droit de passer des clips. À partir de 23h, je croyais que c'était que des clips. Et alors là, on a commencé à se taper tous les clips américains. Bon, c'était la variété ou de la funk. Mais les trucs avec les gamins, les clips où tu vois les breakers, les danseurs, machin, tatati, tatata, ça. Le Freeze, IOU, ou dedans, ce moment-là, c'est en UK, là, en Angleterre. Mais en fait, dans il y a que des mots avec des micros. Puis après, t'as le film E.T. où il poursuit en micros, machin. Et voilà, donc t'es dans le truc, tu vois, ça arrive, c'est fresh. Il n'y a pas avant. D'accord, mais il n'y a pas en tout cas de lien pour toi comme moi. Avec le lien, moi, le bicross m'amène à cette musique-là. Lorsque du coup, on écoute, quand on fait du bicross, en tout cas, tout de suite, il y a la musique qui va avec. Et c'est marrant comme quoi chacun, moi j'ai pas eu le graphe en même temps, on a d'autres ils ont le graphe. Ouais, tout à fait. Et toi, il y a eu l'Asie qui bop et il y a quand même le vélo, mais c'est pas. C'est pas ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est plus le côté fun, glisse, enfin tu vois. D'accord, ouais. C'est à part, c'est un truc. Voilà, côté de ça, je faisais un peu le planche à voile, tout ça. Enfin, tu vois, c'était. Bon, dis-le, ouais, c'est la partie glisse, ouais. Ok, c'est chouette. Mais moi, non, bicross, c'est autre chose. C'est pas, j'associe pas ça avec. D'accord. Et du coup, donc on arrive autour des années 85 où il y a une grosse descente suite à la fin de l'émission, clairement. Voilà. La formale qu'ils le disent. Donc là. En même temps, c'est là où il y a pas mal de naissances de groupes quand ça va repartir. Tout à fait. Ils vont partir. Tout à fait. Alors moi, j'ai vécu ça. Parce qu'à cette époque-là, on n'allait pas sur Paris. On y allait, pas, on y allait de temps en temps, mais on n'allait pas de nous-mêmes régulièrement sur des trucs. Non. Donc, moi, ce qui a continué, fait continuer le côté hip-hop, c'est que j'allais en vacances dans le sud, à côté de Perpignan, là. Et évidemment, t'avais des gens de toute la France qui venaient, de toutes les régions de France, donc de Lyon, Saint-Étienne, Strasbourg, machin, etc. Et là, en discutant, tu fais connaissance, tout ça, et tu retrouves des mecs comme toi. C'est-à-dire des mecs qui ont eu le côté hip-hop, machin, etc. Et puis, c'est fini, quoi, en gros. Hein, voilà. Donc, c'est pas fini, parce que quand t'es avec eux, tu t'entraînes toujours à danser, toi, tu te délires toujours, machin, etc. Et là, tu te dis, bah, en fin de compte, on est plein. Tu te rends compte qu'on est plein, parce que tu te rends compte que, il y avait aussi une forme d'urbanisation, mais que c'était pas tout seul, quoi. Ouais, c'était pas tout seul. Et avec des styles différents, etc., etc. Prends des clubs, tu vois, des mecs, zombing, machin, etc. Et ça, toi, tu crois que ton petit niveau fait ça, tu te rends compte que, qu'il y a toujours meilleur. Voilà, donc ça, c'est une de ces parties-là. Et après, ce qui va faire le truc, c'est que. Donc moi, je vais avoir 15 ans, et comme on se déchire avec mes potes, ça, on a décidé de faire des soirées. Donc on s'est débrouillé dans le bled où j'étais là, avec le comité des fêtes, avec la mairie, quoi, essayer de faire un truc, on pouvait faire des soirées pour les jeunes. Alors au début, c'était pas les soirées, c'était les après-midi, si vous voulez pas que ce soit le soir. Et donc, on a commencé avec un groupe de potes. Donc, nous, on avait déjà un peu de disques, tout ça. Oui, parce que, j'en reviens par rapport au disque. Moi, ce qui a le déclencheur véritablement disque, c'est Beat Street. Voilà, ouais. Le film Beat Street. Je vais voir le film Beat Street à mort avec ma mère. Hein, hop. Je ressors, je vais au premier disquaire qu'il y a, j'achète l'album. Moi, chez Nuggets, ça a parlé d'eux, j'avais été. Ah ouais, Nuggets, bah, moi, c'est un truc comme ça. C'est pas Nuggets, mais c'est un truc comme ça. Pareil, oui, les chaînes sur Beat Street. Et le rose, parce qu'il y a le rose et le jaune, ouais. Mais le jaune, c'est toujours pas en fait. C'est du hype, le trailer, c'est des moins bien. Ouais, moins bien, mais bon, quoi, donc le volume 1, là. Et voilà. Et quand je vois, voilà, c'est ça aussi, quand je vois la scène dans le film où il y a le frère, le grand frère du danseur, là, qui est DJ, qui reçoit l'espèce de nana, là, l'héroïne, là, ouais. Qui. Elle vient, puis elle lui demande alors qu'est-ce que tu fais, machin. Le gars, il est dans sa chambre, et puis hop, il lui montre un peu ce qu'il fait. Et là, il commence à faire des trucs, tout ça, avec des combos, tout ça. Il commence à envoyer des listes, fait une petite crash, tout ça. Là, là. Et moi, je regarde ça, je sais faire ça. C'est ça. Moi, ça, définitivement, c'est ça mon truc, c'est ce truc-là. Là. C'est génial. Et donc, parallèlement à ça, tu commences à. Alors, t'as pas de platine, t'as machin, j'avais une petite chaîne de rien du tout, avec un coureur, on essayait de faire des trucs, ça marchait pas. Alors, où on était fort, c'était en cassette. On faisait des montages cassettes. Montage cassette avec des trucs, on recollait, on redoublait, on faisait des trucs, on était un peu. Voilà, c'était. C'est, bon, de toute façon, on n'est pas grand avec que ça. Donc, on commence à faire nos fameuses soirées, là. Ça marche bien, il y a plein de monde. Alors, c'était des soirées. Top 5, un peu moins par ailleurs, c'était le plus grand nombre. Mais là, on était malin, c'est qu'il y avait du fric qui rentrait, parce que c'était payant. Ça. Bon, c'est quand même des soirées de 500 personnes, ça. Donc la mairie, là, était contente. Voilà. Et donc, nous, on disait, bah, écoutez, bah, nous, il faut qu'on achète des disques. Parce que pour avoir besoin de. On a besoin de ça pour chaque mois. Là. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des thunes, et puis, hop, le samedi, on partait, on était sur la ligne de Dreux. Donc, on allait à Montparnasse, à la Fnac. C'est la mec à l'époque. Voilà, Zander. Exactement. Mettre les 10 de côté. Exactement, exactement. Et là, on arrive. Alors, évidemment, quand on arrive dans Montparnasse, sur les rails, au moment du triage, là, il y avait le sign. Il y avait un bloc, un petit transfo, là, avec un gros sign là, qui était là, qu'on pouvait triper à chaque fois. Et après, voilà, c'était Montparnasse, donc c'était le free time de Montparnasse, là. Ensuite, un tour chez Frix. Et puis après, la Fnac. C'était notre. Et là, à la FNAC, on commence à rencontrer des mecs, enfin, à voir qu'il y a des gens. On prenait le retreat top 50. Hop, voilà. Et puis après, on gardait, on grattait une bonne partie du podium pour nous. Et on allait dans le côté import. Ah, c'est ça. Et là, funk. Bon, funk, je m'en étais funk à la base. Funk, et puis, bah, rap, quoi. Et avec un réalisateur. Et là, on fait ça pendant un an et quelques, ça. Donc là, on est 85, tu vois, machin, 80, peut-être presque 86. Et là, hop, on voit un mec, un Renoir, là, qui est là, qui vend des trucs, tout ça. Et le mec, on le voit, qu'est-ce qu'il y a d'Adidas, t-shirt from DMC, c'est qui le mec, style, le gars, il a le style. Et le mec, c'est Fab, c'est DJ Fab, et ben c'est la main. Et en fait, c'est lui qui signait, en fait, les commandes, etc. Donc, on ne l'a pas connu directement. Enfin, on n'a jamais connu fait une sorte de véritable voir le juif succinctement. Et puis, on compte sa charge en scope, quoi. Et après, au fur et à mesure, on commence à faire des petites connexions avec des gens, tout ça. Donc, 86, voilà. Et après, tu arrives à 87. 87, si tu veux... déjà, depuis 86, on avait repris sur Radio 7. On écoutait les émissions de Professeur M. Un mec qui passait de l'électro. L'électro, enfin, ouais. Jamais, je ne sais pas d'où il... Qu'est-ce qu'il donnait, ouais. C'est un ovni. Il y a Saul qui le connaît. Voilà, les trucs électro, machin, avec les morceaux de B-Boys, machin, les trucs de Donald D, les Latin Rascals, les trucs, les éditeurs, les... Voilà, trucs, voilà. Et arrive à donc début 87, la fin de Radio 7, qui va devenir France Info. Et là, c'est le même... Oui. Et ça arrive en même temps que la fin de TV6. TV6, avant que ça devienne M6. Et donc, il y a une manif à Paris pour la fin de ces deux médias. Hein. Et donc, on entend ça sur Radio 7, machin, parce que moi, j'avais la cassette de la fin de Radio 7. Hein. Ils arrêtent Radio 7, ouais. T'as une berrerie noire, tout ça. Et puis, à la fin, il y a le truc, ils reprennent un Sergio Leone, là. Il dit, ouais, Radio 7, ouais, pff, mec, il dégaine. Ça tire, puis là, blanc. Puis, alors, c'est la fin de Radio 7. Et donc, il y avait Dynastie sur Radio 7, mais moi, j'arrive jamais à tomber quand c'était lui, toi. On n'avait pas là. Maintenant, tu peux savoir exactement qui passe quand. Hein. Là, il fallait vraiment avoir le bouche à oreille. Oui, mais lui, il fait ça. Bon, bref. Donc, la période Dynastie Radio 7, moi, je ne l'ai pas. J'ai la période où Sidney est revenu et faisait les samedis après-midi des rap parties avec les New Generation, les Richie, Noël, tout ça. Enfin, donc, ça, vraiment, ça devient les. Ouais, Richie Chic, c'était les... Je ne sais pas quel nom vous avez. Donc, voilà. Donc, on va à la manif. Et là, tu te rends compte que tout le monde qui va, quoi. Et t'arrives dans le métro, on sort. Voilà. Et puis, alors là, tu tombes sur des bombes de tailleurs, machin, etc. Des faux hippies dans tous les sens. Il n'y a pas que ça. Il y a des branchés, il y avait tout. Mais il y avait tout le monde, quoi. Ouais, c'est... Voilà. Et puis, eh bien, là, on commence à... Ça te fait plaisir, parce que tu dis, ouais, voilà, on n'a pas lâché l'affaire, on est toujours là, et puis en fin de compte, on n'est pas les seuls, quoi. Ouais, voilà. Donc ça, c'est fait comme ça. Après, à partir de 87, donc là, on fait connaissance avec les... on allait à des soirées sur Plaisir, tout ça, qui était animé par Crazy B. Mm-hmm. DJ Crazy B, là. Il ne s'appelait pas Crazy B à l'époque. C'est un truc, je ne sais plus comment c'était, là. Et voilà, et donc quand lui faisait une soirée, c'était une soirée funk, mais il passait du rap, et puis il faisait un petit party scratch, turntable, ça. On fait connaissance en fait avec les BCK. Donc, B-Boy Criminals Kings, donc les mecs de coalition, les clés sous bois, Flaisir. Donc Rick. Fameux Rick, voilà, c'est lui. Il y avait Crick, il y avait Pascal Descrèves, il y avait Abdel, il y avait voilà, toute la clique, là. Et voilà, donc on fait connaissance, machin, puis on se lie d'amitié, voilà. De toute façon, après, t'es avec des passionnés, quoi. Puis après, on traîne avec eux. 87, on traîne avec eux. On devient super potes avec Crazy B Fast Soldier, parce qu'avec les BCK, comme nous, on est au platine, on commence à organiser des soirées. Dans ces soirées viennent les potes des BCK, donc les TFB, voilà. Les KDC, voilà, les ravageurs, voilà, les comment ils appellent ça, les Black Spider. Voilà, ça c'était pour que ça se passe mal pour l'arrivée des Black Spider. Pour l'ambiance. Pour l'ambiance, ouais. Et il est un petit bleeding, moi j'ai des souvenirs. Fort à la moue, quoi. Fort à la moue, quoi. Les trucs, je te dis. Je crois que c'est une fois, je pense que c'est la seule fois de ma vie, j'étais content de voir arriver les Geoffs, quoi. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Soirée, il n'y avait même pas le temps de corps, c'est soir. Non, ouais, c'était en cours. Bah, c'est juste au moment où ils arrivent, qu'en fait. Ouais, c'est tout, parce que. Pour qu'ils arrivent, c'est assez compliqué. Donc, voilà, et bien, c'est déjà, on fait connaissance, mon truc, on vient, enfin, moi, je mets un peu de DJ des Music Up. Et puis, donc ça, toujours avec Soulja, avec mon binôme, mon frère, hein, Soulja. Et après, voilà, Soulja, lui, voilà, il va se mettre en couple avec une nana, toi, donc elle est un peu moins dispo. Mais moi, j'étais toujours célibataire, je suis plus à l'effort. Donc, moi, j'étais toujours à fond dans le truc. Parallèlement à ça, donc 88-89, moi, je rencontre des mecs sur Paris. Donc, voilà, je suis assez pote avec un mec sur Paris qui allait souvent aux États-Unis. Et je commence à partir à l'étranger, quoi. En quelle année, tu commences? Alors, moi, je commence à partir en 88. Pour l'époque, ouais. Le premier voyage aux États-Unis à travers les vélos, moi, c'est 87. D'accord. Je suis avec des copains, ouais. Les fous, et c'est rare qu'on est déjà allé quand même dans des milieux un petit peu. Ouais, allez-y. Mais quand même, les voyages, ils sont. C'est des milieux dans la banque, chef. Ouais. Ça me fait évident, il n'y a pas de même recul, t'as pas de. La non. Langue, on n'est pas totalement. Oui, voilà. Donc c'est vrai que dans les photos que j'ai vues, c'est assez impressionnant. Ouais. Bon, après, on s'éloigne plus dans d'autres années. Oui, bien sûr, bien sûr. T'as plein du voyage qui vient très ouais, tôt. Ouais, ouais. Mais c'est le premier, c'est Londres. Ouais. J'y vais, c'est simple. À l'époque, j'étais en BEP, et ma mère me dit, ouais, t'as un BEP, je t'appelle un voyage. T'as ton, aussi, t'as ton BEP, je parle. Bon, j'ai dit, ouais, j'aime mon BEP, j'aime mon voyage. J'ai dit, bah, je vais aller à Londres. Donc, je suis allé à Londres, tout seul. Parce que moi, c'est une de mes grandes capacités, c'est d'y aller tout seul. C'est ça. C'est-à-dire que je pars toujours du principe que tu n'es jamais aussi bien servi par toi-même. Quoi. Mm. Donc, quand tu veux un truc, tu dois le faire. Quoi. Et voilà, et je me prépare mon truc. Voilà. Vous connaissez à l'époque Ford Start General, Carnaby Street. Ouais, voilà, Carnaby, je sais, parce que j'ai entendu parler. Alors là, ouais. Moi, je lis beaucoup. Le point de départ où nous, exactement. Oui, on arrive là-bas. Exactement. Faux, quoi. Exactement. On est plein. Et ça part dans pas Novamag, mais avant c'était Actuel. Dans Actuel, ils étaient sur un truc de Radio Nova. Ils étaient vachement, ils expliquaient de ça. Et puis donc, avec un bisuit, il faut aller à Camden, Camden Market, non, pas Camden Town, mais Camden Market. Donc, hein. Et puis Four Stars, etc., Camden Bisuit. Donc, je vais là-bas. Et machin, j'y vais, j'arrive un vendredi, je me rends compte que le soir même, t'as Soul to Soul, Jason, qui fait ses soirées, ou je sais plus où là. J'y vais. J'y vais, quoi. Donc là, je fais une soirée saute. C'est un jazz beat imposant, mais quand il arrivait, là, il se passait quelque chose. Bon, techniquement, il n'y avait rien, hein, mais waouh, ils avaient ces mecs-là. Et puis, je tombe sur des b-boys et tout ça, machin. Enfin, bon, je ne fais pas connaissance, mais je suis resté trois jours, quoi. Mais voilà. Et puis, là, vas-y, je commence à prendre. Et là, j'arrive. Allez, truc public ennemi, machin, ça, je suis arrivé des patchs, machin. Je suis premier sur Fleezer, quoi. Je suis arrivé, j'ai mis ça sur mon bongo, on avait bongo noir en époque. Tac, j'ai des trucs public ennemi, trucs Def Jam. C'était la course justement des voyages d'aller chercher tout le monde, tout le monde. Alors moi j'ai jamais été troupe Avia, tout ça, toutes les marques un peu baroque, tu vois. Ouais. Moi je suis toujours New York. Il y a la musique plus encore. Ouais, ce que je veux dire, je suis sur le streetwear, moi je suis sur les trucs de sport, quoi. Enfin, je suis toujours resté voilà, moi c'est Puma. Mm. Je suis Puma, je suis mon copain. Maintenant j'en ai un peu moins, mais j'avais une Puma pour tous les jours de la semaine. Tu vois. J'avais cette paire de Puma, machin, j'avais les gazomes, des trucs. Fallait. Donc les marques ont estampillé plus hip-hop, ouais. Commencent à se greffer sur le ouais. Truc en pensant qu'il y a peut-être quand même un billet à se faire, c'était quand même le cas. Exactement. Troop, tout ça là. BK, British Knights, British Knights, ça. Voilà. Mais moi c'était pas mon truc, donc je ne prenais pas. C'est super, puis de toute façon, je ne pourrais pas aller merde, simplement, parce que c'est quand même vachement cher. Voilà, donc moi, je reste traditionnel. Moi, je suis New York, je suis Bronx. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est les premiers trucs. Ensuite, Donc 88, donc on commence à faire nos trucs, on suit le DMC, on va voir les championnats de France, machin, on a notre champion, donc Crazy Beer. Il n'est pas dans MSK, mais c'est un satellite, c'est un mec de plaisir, donc il est très très respecté, hein, ça forcément. Fast Jet, ça, on commence à faire des soirées ensemble, tout. Et ensuite, lui fait les championnats, donc on l'aide en fait à faire, tu vois, les, quand il s'entraîne, hein, parce que c'est comme un athlète, hein. Mmh. Il s'entraîne, il fait 7-8 heures de platine par jour, hein, c'est, voilà, donc on vient, on amène des scouts, tiens, essaye ça, écoute ça, machin, tac, tac, tac, tac. Et puis on a suivi pendant, il a quand même été 7 fois champion de France de suite, hein, c'est le Martin Fourcade des trucs, après il a réussi à être champion du monde, champion d'Europe, machin, compagnie. Et donc, parallèlement à ça, moi, je fais mes petits voyages un petit peu partout en Suisse. On aimait bien aller en Suisse, il y avait des pures soirées, ouais. C'est du corps, le hip-hop, le vrai hip-hop, quoi. Voilà, c'était, enfin, je sais pas, que nous, c'était le faux, mais nous, ça commence à partir Raka et machin, les bandes, les RK, le Junior. Il y a eu beaucoup de problèmes de soirées à Paris. Ouais, c'était le pied direct. Tout à fait, c'est café. Et 87, donc, Globo. Ouais. Donc Globo, moi j'y suis pas allé 150 fois, mais j'y suis allé à un moment où c'était bien. Donc voilà, monté avec Edgar, tout ça, Ramblin. De ces dates pas. Et puis. Est-ce voilà. qu'il y a le lien aussi, le lien, je vais en parler dans le livre, le lien du train qui va m'y parler. Je vais parler de ce train, j'ai quelques photos du train. Ouais. Et ce train, pour moi, c'est le train de la culture. Ça amène à Paris quand même, ou forcément beaucoup plus. Même, on est en train de prouver qu'aussi en banlieue, c'est passé. Bien sûr. On a quand même ce train qui s'arrête à toutes les stations, qui prend tous les groupes, qui prend tous les. Et les liaisons se font. Et machin, et on va chercher, on va voir ce qui se passe, et le stade. Exactement. Et là, tu peux être sûr que le samedi après-midi, les mecs, ils montent sur Paname. L'après-midi, ils vont aller traîner. Soit c'est qu'il y avait des puces, il y avait des juste un machin à Clifly, à Clignancourt. Voilà, et puis les mecs attendent le soir pour rester en soirée. Là-bas. Et puis après, t'as le train du retour. Premier matin. Moi, je sais que j'avais un petit cérémonial quand j'allais à l'école. Donc, 88-89, là, j'étais sur Paris à l'école. Je prenais le train, donc c'était les trains gris, là, les trains devant les. Enfin, banlieue, mais est-ce que c'est la ligne de droite, hein, et machin. Et mon truc, c'était quand je revenais le soir, tous les soirs, je me mettais dans le dernier wagon, dernier siège, quoi, enfin tout au fond, machin, et quand le train s'arrêtait ou je descendais, je sortais tout de suite, hop, je descendais sur la voie, je montais sur le train, mais à l'arrière, sur la cabine, mais à l'arrière, et t'as une grosse coulée en haut, quoi, tu vois, machin, top, c'était pop baran, tu vois, machin, et tous les jours, bon, sauf quand je retombais sur le même train où il était déjà, quoi, mais voilà, et tac, et c'était marrant, quoi, quand t'arrivais le samedi, tu t'allais à Montparnasse, puis t'attendais ton train, puis t'envoyais un arrivé avec ton nom, t'étais content. C'était le principe, quoi, voilà. Donc, parallèlement à ça, moi, je suis aussi sur Paris, donc pas mal le Graf, parce qu'avec mes potes de Paris, qui étaient du 15e, Fort de Versailles, donc Mouton du Vernet, Olivier de Serre, tout ça, là. Parce que là-bas, il y avait pas mal de trucs, de la force alphabétique, le CCCCP, là, qu'ils avaient fait, toi, le force alpha, machin. Les trucs, Olivier de Serre, donc il y avait Best, tout ça, la clique, là. Lokis. Parce que Lokis, il était à l'école... c'est pas l'école de Boulle, mais... Ouais, juste à côté, il y a un là. Il y avait Lokis, ça. Il y avait un mot. Ouais. Alors moi j'étais un peu, ça me frustrait un peu parce que Lokis j'étais pas trop dans ce style-là. Ouais. Moi j'étais plus traditionnel. Traditionnel, tu vois. Mais c'est fort, c'est bizarre. Mais bon, c'était pas ma, c'était quitte à aller sur un terrain, je préférais voir un truc qui me plaisait, tu vois. Voilà. Donc ensuite, c'était le terrain vague, enfin la chapelle. Mais ça, moi j'y allais dans la semaine, je pouvais pas y aller. Le truc, donc moi, le terrain de la chapelle, j'y suis jamais allé. À côté de Covid, j'y suis jamais allé. J'avais les flyers qu'on trouvait à la FNAC sur les rap parties, tout ça. Je pense que c'est Dynasty qui les mettait. Et voilà, en disant machin, mais bon, t'avais d'autres trucs à faire. C'était pas. Surtout qu'ils faisaient ça le samedi après-midi, si je m'en rappelle bien. Ça est comme juste à la fin, on va en parler. Voilà, mais sinon, j'allais voir. Tu vois, mais bon, moi, quand j'y allais, il y avait trois pelés, de tendu. Hein. Après, le côté, ouais, c'était carrière à Londres, jamais rien vu. Bon, après, j'arrivais pas, il n'y avait pas 50 mecs, quoi, tu vois. Donc, j'ai jamais eu aucun souci, moi, à ce niveau-là. Donc, voilà, donc là, on est sur 89. 89, bon, moi, je suis au platine, tout ça. Je fais la Coupe de France, la Coupe de Paris des DJs. Donc, dans notre coin, on est. Donc moi, Doc Phil, qui sera dans les Rapso, Crazy Bee et Soul J, donc on est quatre à envoyer une cassette à Radio Nova pour le faire, et on est trois à être pris. Voilà. Dynasty qui m'appelle, enfin, j'étais chez mes parents, ils m'appellent. Oui, c'est Dynasty. t'es ouf, quoi. Dynasty. Donc voilà, on fait le truc, machin. Bon, après, voilà, il y avait déjà les concerts de Ice It Beat, ils commençaient déjà à faire les concerts, tout ça, etc. Ah ouais, j'ai pas parlé, ouais, il y avait bien sûr 87, Concert de Rex. Run DMC. Run DMC, Steve Boys. Ouais, bien sûr, ça, c'est voilà. Le bus. Ouais. Le bus avec les barrières, le bus blanc au début, tagué à la fin. Là. Voilà, après, il y a donc à la mutualité, il y a Public Enemy. Public Enemy, LL Cool J et puis Rakim qu'on attend toujours. Avec qui n'a pas pu venir, je sais pas quoi. Là. Voilà, bon, donc ça, voilà, ça, c'est des gros renseignements, tu vois, de trucs, du 30 ans. Donc voilà, c'est clair que tu n'es plus tout seul et qu'en étant plus tout seul, de toute façon, c'est relancé. Tu vois bien que c'est relancé. Ça, ouais. C'est, la machine, elle est relancée. Voilà, 89, donc ça. On a l'industrie du disque qui est vraiment. L'industrie du disque, Thomas. Voilà, sur le début avec les bruits pionniers. Ouais. C'est quand même super optimiste. Ouais, ça commence. Il y a des labels qui se montent, des vraies formules commerciales. Là, Destroyman, Johnny Go, là, les premiers trucs. Nec plus Ultra, t'as donc cherché le nom, c'est Nec plus Ultra, je rappe, Nec plus Ultra. Et puis après, 90, ça arrive que la première compil en répétition. J'ai oublié 86, là, dans la période du gouffre, je fais mon émission de radio. Ah oui, mon émission de radio, donc au lycée de Rambouillet, parce que j'étais au LEP de Rambouillet, mais comme c'est un grand centre, il y a le lycée Tradi, enfin, général, le LEP et le collège, et ils ont une radio. Et j'ai réussi à m'incruster, je ne sais plus comment. Ah si, parce qu'il y a un mec avec qui je fais connaissance, qui était un Zoulou, je ne sais pas comment on dit, des Zoulous. T'étais dans le move, mais t'étais un Zoulou. C'était plutôt flatteur, c'était pas caricatural. Un pote quoi, qui faisait son service militaire, ou je sais pas quoi, en tant que machin, et puis il était en gros technique de régisseur, quoi, la technique de cette radio, qui était une radio... radio associative, quoi. Enfin, non, mais oui, enfin, je ne sais pas, un truc associatif. Voilà. Et voilà, puis il me dit, ouais, viens, faire une émission, donc il nous parle au mec, moi j'arrive. Je me souviens toujours, un genre de mec avec un perfecto, là, qui était un peu le responsable de tout ça, et puis il y avait les platines, il y avait des MK2, hein. Bon, après, dans une espèce de régie, il y avait une MK2 là, puis 2,50 mètres plus loin, t'en avais une autre, quoi. Donc, tu pouvais pas. Puis il me fait, oui, dit oui, alors donc on va faire un petit essai pour voir techniquement si t'arrives à lancer un disque. Ouais, donc j'étais, alors j'ai dit, bah, tu veux que je fasse quoi? Alors il me dit oui, alors tu vois, tu prends le disque, machin, et puis voilà, tu veux que ça parte là, et puis tu fais un coup, quart de tour, et puis comme ça tu fais le start, et puis ça, part. Ok, voilà, je prends ça. Alors moi, je prends, je commence à régler la cellule, toi, machin, et puis ouais, je comprends. Il me dit, ouais, bah, ça va aller. Ça va aller. Je dis, ouais, ça va aller, quoi. Il dit, oui, non, mais je pensais que tu savais. Bah, si je savais, quoi. Donc, voilà, je fais ça sur un an, hein, enfin, sur la saison. C'était marrant, c'était assez amusant avec mon pote Sad, qui est BZK aussi. Il avait. Bah, c'est que du hip-hop et du lapin. Funk, et électro et. Hip-hop, enfin, rap, électro, électro-funk, moi, je parle. Ouais. Parce que maintenant on parle d'électro en termes de techno, tu vois, mais nous, quand j'ai l'électro... Bien vu, parce que moi je suis vraiment parti sur les voilà, électro, voilà, c'est tout, mais voilà. J'ai raconté aux mecs de l'électro que ça s'appelait autre chose, voilà. L'électro vient du... Exactement, nous quand on parle de l'électro, c'est des, tout ce qui est parti avec des inspirations de Kraftwerk et compagnie, et voilà, ça va être tous les Siberian Night, les machins, enfin toi les... Mentronics, Johnson Crew, Warp 9, tout ça, enfin tous ces groupes-là qui sont de l'électro-funk. Ouais. Voilà. Donc on jouait ça, enfin je jouais ça, c'est moi qui faisais la session, et puis mon pote y présentait. Il prenait une pause, voilà. Donc ça c'était 86, donc quand même on était. Elle m'a parlé aussi de Dynasty, on en parlera de cette semaine, ouais. Dynasty avec. Alors Dynasty. Dynasty, tout ça, ça a une influence énorme. Oui, évidemment. Dynasty, oui, donc moi je le rencontre, je le vois, la première fois que je le vois, c'est vraiment en direct, tu vois, sur un truc, tout ça, c'était au Globo. Ouais. Parce que Globo, il y avait lui, il y avait Max, DJ Max, la lunette là. Il y avait Joe, DJ Joe, qui était ensuite à Sound Records. Il était à Sound Records, ça. Crazy Beat, mon pote Laurent Cohen, qui fait de la musique maintenant, d'accord, on ne s'est pas connu à l'époque, et qui va parler de ça, parce qu'il tenait son record. J'ai la photo que Kang, qui est large, qui a peint sur le record, machin. D'accord. Donc, mais parce que c'était Xavier, il s'appelait le mec de son record. Oui, Xavier aussi. Oui, Xavier. Il y avait aussi Laurent. D'accord. Je ne sais pas en termes de temps, comment il se rapproche. Ok, d'accord. Parce qu'il y avait Xavier, puis après, il y avait sa sœur, Xavier, qui avait un magasin plutôt house, à la, ouais, côté Audrey. Du côté Basile. Maude, la fameuse, ouais, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais, elle est, vous savez, mais c'est sur Bastille. C'est ça, voilà. Records aussi. Ouais. Sound Vibes. Ouais, c'était pas son nom, bon, c'était sa sœur. Donc, vous avez dit, est-ce que Laurent travaillait pour Rachel? D'accord. Et donc, voilà, donc, les trucs, donc, Dynasty, bah, au nouveau, voilà, quand on y allait, machin, bon, faut aller non plus 150 fois. Et véritablement, là où j'ai eu le truc de Dynasty, c'est le 31 décembre de 88, le réveillon de 88. Donc de 88 à 89. Parce que les potes des BC4, ça, bon, c'était les plans dernière minute, machin, etc. Bon, il n'y a pas de téléphone portable, machin. Et ben, bref, c'était que des trucs foireux qui ne m'intéressaient pas. Moi, je voulais aller sur Paris faire un truc hip-hop, quoi. Moi, j'avais besoin de l'hip-hop. J'avais un magnétisme, il fallait que ça aille. Et au final, je me retrouve à rechercher une soirée qui avait été. Propagé par Radio Nova, tu vois, dans un squat, je sais plus, du côté de Jourdain, place des fêtes, là, je sais pas où, un truc, et voilà, je cherche, mais bon, pour trouver, fallait y aller, quoi, donc, bon, moi, je suis tout seul, et là, c'est là que j'ai rencontré mon pote Dean, donc Seno, S-E-N-O, mm-hmm. Avec qui je vais faire plein de voyages dans le monde, qui, pareil, cherchait cette soirée, tu vois, sur le quai, il n'y a pas 36 personnes qui sortaient sur le quai de métro, puis on est à deux en train de chercher où est la sortie, tu vois, puis surtout, zéro, faut aller. Et tu vois, moi, je vois un grand Renoir arriver, casquette à revers, starter New York, vraiment un baby, ça a été une caricature. Et là, puis je vois, je pense qu'on va au même endroit. Je pense qu'on va au même endroit. Et donc là, soirée par Dynasty, on trouve la soirée. Et là, je passe ma soirée à côté du bac de Dynasty, comme ça. Et à chaque fois qu'il met un disque, il le met, puis je regarde, je me pose si je note pas, parce que vous savez, etc. Et là, je fais connaissance avec Gutsy, qui sera annoncé ethnique, et ensuite, maintenant qu'il est Guts. Oui. C'est ce Guts, là. Le Tenz, DJ Le Tenz, qui était donc de Boulogne. Tout ça, c'est le mec du Boulogne aussi. Avec Obi-Wan, un mec qui faisait du beatbox, tout ça. Small, une petite nana, enfin, bref, tout Boulogne aussi, avec qui je vais sympathiser. Et voilà, donc la Dynasty, je me prends la queue là. Bon, ça faisait longtemps que je me prenais la radio, mais là, tu vois, je me prends vraiment. Et puis, pas Globo, t'es avec tes potes, machin, etc. Là, j'étais. Voilà. Je restais là toute la soirée à regarder. Voilà. Donc ça, c'est le truc. Et pour ça que quand on est sur 89, ou après je fais la Coupe de Paris, c'est une petite appel, machin. Ouais. Trop fier, quoi. Et là, après, toi, t'annonces dans la prod, clairement. Ouais, on commence à... Donc on a les platines. En 90, on commence à avoir donc, du matos, sampler, S950. Atari, machin, etc. Moi, je me fais expliquer le fonctionnement du Atari par Gutsy, qui lui est sur N-Sonic, il était sur les claviers N-Sonic, sur N-Sonic, mais il connaissait Cubase, ouais, il connaissait bien, donc il m'a montré. Parce qu'en fin de compte, j'ai eu l'ordi avant d'avoir le sampler. Donc, il m'a déjà montré sur l'Atari un peu des trucs, voilà. Sur Cubase, et puis voilà, puis donc, comme on était assez potes, quoi, voilà, et après, oui, ils ont commencé à faire à nous ethnique. C'est-à-dire que cette connexion-là, en fait, avec Crazy Bee, tout ça, moi, je me souviens avec Kamel, rappeur de à nous ethnique, chez Guts, là, et Guts était avec un autre gars, là, qui faisait du son à deux. Et en fait, Kamel est là, et on me dit, ouais, c'est un mec de Cray, un petit jaune, toi, qui fait les trucs. Puis c'est comme ça qu'ils ont monté leur concept, quoi. Donc nous, on était dans le groupe, pas dans le groupe, mais dans le scene, tout en suivant, c'était des potes, quoi. Et moi, parallèlement à ça, avec la deuxième partie des BSK, on est dans Authentic Force, donc une espèce de groupe monde, on faisait des prestations danseurs, même rappeurs, il y avait un gars qui s'appelait Willy Boy, qui rappait, et puis DJ. Oui, on faisait des petites soirées comme ça un peu partout qu'on bandait là, et voilà, et puis donc c'est le rap, et ensuite avec Willy Boy je fais quelques scènes à Saint-Germain-en-Laye, il y a un micro ouvert, donc je vais avec lui, tout ça, on passe, et là je retourne sur Gauze, le mec qui était avec moi à l'école, à la chambre de commerce, qui était le pote de CEO, et qui me dit, oh, moi, je crois, il était mort de mon recours, dès l'encours. Moi, je suis avec un groupe, là, ça s'appelle Ultime Coadmission, tout ça, c'est des mecs de là-bas, et en fin de compte, dedans, t'as Ekwe, la Bavard, Nouran, enfin, la figure d'appareil, qui fera la runner. Et donc, après, je deviens leur DJ. Ils n'étaient pas vraiment DJ, ils prenaient un mec comme ça, de temps en temps. Moi, ils m'ont vu, machin, ils me disent, ouais, papa, c'est un machin, je suis allé aussi avec eux. J'ai fait quelques trucs. Après, moi, je trouvais que leur son, ils se faisaient faire des sons par. Ils n'avaient pas de matos, donc ils ramenaient les disques, tout ça. Ils allaient, c'est Mathieu Bogart, en fait, qui avait un petit stylo, qui faisait. Il louait des prestations, tu vois. Ils faisaient leurs petites maquettes, etc., etc. Donc, moi, j'allais récupérer les disquettes, machin, et avec Soul G, je dis, ouais, tiens, j'ai retrouvé des mecs, ça. J'ai fait écouter les sommets, tout ça. J'ai dit, attends. Donc on a récupéré les disquettes et on a refait les remixes. Enfin, on a remixé, tu vois, avec notre sauce. Et puis voilà, et puis bon, bah, ça s'est fait. Et puis au fur et à mesure, bah, ça s'est devenu la rumeur. Bon, là, maintenant, là, t'es dans les années 90. Ouais, voilà. C'est à peu près là où le livre s'est arrêté. Ouais, exactement. Bon, bah, je crois qu'on a un bon résumé. Hein. Ça me paraît bien ce que tu as répondu à toutes les autres questions que j'avais notées. Il y a juste la rivalité entre 78 et 75. Est-ce que vraiment il y a une rivalité? Est-ce que tu sens que... Alors moi, je n'ai jamais senti comme ça. Alors, rivalité, non. Je sais que c'est quand même pas mal de mecs de Paris. C'est plutôt, pour certains, je dis bien, pour certains, un peu... pas disant, mais tu vois, juste un petit peu... vous prenez un peu d'eau, quoi. Tu vois, c'est pas une rivalité, c'est pas vraiment une rivalité, mais c'est... On avait du mal quand même qu'ils acceptent, ouais. Tu vois, c'était quand même... Ouais, c'est sûr. Bah, c'est ce qu'on disait, hein, t'as vraiment l'impression que t'avais les dieux de l'Olympe, les dieux de l'Olympe, avec l'Olympe étant Saint-Grand, quoi, enfin le 18e, quoi, en gros, hein, puis avec la coalition avec Saint-Denis, là. Et puis après, les autres, c'était les autres, quoi. Et, tu vois, c'est... Ouais, mais rivalité, véritablement, non. Moi, je pense que, ouais, ils me prenaient un peu de haut, quoi.